ma tête, je suis chaud, patate. Je pose avec mon sorbet de l'Ajax. Tu me dois des loves, tu me donnes plus de nouvelles. Attends que je te vois au classe. Mon démon efface 40 litos. Peu bon chargé sous le coussin. Tu comme faire quoi, pépito? On va te niquer ton cousin. J'parcours la France dans le vito. Les gens m'accueillent comme Vito. Un doigt au flic comme Baco. J'suis de la Honda comme Miklo. La mif fait me boire, j'suis en fumette. J'crois que j'vais lui faire un foireux. J'vais avoir à fumer dans le quattro. Fais tes valises, on part. Ils sont pleins de mise en scène, pleins de j'nique la police. Fais ce monde devant les gens, pour moi c'est que t'es comique. Moi j'traînais au quartier, j'ai vu trop de jalousie. Ils m'en veulent, j'repense à eux posés dans le jacuzzi. Pleine de j'nique la police. Fais ce monde devant les gens, pour moi c'est que t'es.